Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le légendaire Jackie Robinson. I can only say that the people in Montreal were so nice to my wife and myself at the time that we have nothing but the warmest of a spot in our hearts for Montreal and all the people up there. We love it, really. Le grand Jackie Robinson, en entrevue au Réseau anglais de Radio-Canada en 1956. Dans cet extrait, Jackie Robinson dit conserver le meilleur des souvenirs de son passage dans la métropole québécoise durant son unique saison avec les Royaux de Montréal en 1946-1947. À Montréal, Jackie Robinson devient le premier Noir à compléter une saison dans une équipe professionnelle de baseball réservée aux Blancs, parce qu'il y avait des ligues réservées aux Noirs et des ligues réservées aux Blancs. Ici, les Montréalais l'accueillent effectivement très chaleureusement. Ses débuts au baseball majeur avec les Dodgers de New York dès la saison suivante, en 1947, seront beaucoup plus difficiles. Le 15 avril 1947, Jackie Robinson écrit une importante page d'histoire en devenant le premier Noir à faire partie d'une équipe de baseball majeure aux États-Unis. On a gagné le championnat au stade des Royaux ici, et puis après la game, le monde attendait pour que Jackie Robinson sorte. Quand Jackie Robinson a sorti, bien, évidemment, comme tous les autres, ils voulaient s'en aller chez eux. Et puis le monde courait après, c'est à l'Ontario, lui cherchait un taxi, puis le monde courait après, comme disaient les commentaires américains. C'est la première fois qu'ils ont vu des Blancs courir après un Noir pour le fêter, puis pas pour le massacrer. Jackie Robinson hit that ball. It went zooming across the left field wall. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie hit that ball. Sur la chanson « You See Jackie Robinson Hit That Ball » interprétée par Taps Miller, accompagnée par l'orchestre de Count Basie, vous entendiez l'amateur de baseball montréalais Jacques Étier à l'émission « Bonjour l'ambiance » en 1996. Pour nous faire revivre cette épopée de Jackie Robinson au baseball majeur, je reçois Benoît Melançon, qui est professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Benoît Melançon, bonjour. Bonjour. Quelle importance il a, Jackie Robinson, dans l'histoire du baseball majeur, Benoît Melançon, mais plus que ça dans l'histoire des États-Unis. Alors, vous le disiez, premier joueur noir à briser la barrière de la ségrégation. Il n'y avait plus de joueurs noirs dans le baseball blanc organisé depuis les années 1880. Donc, il rentre dans une situation très, très polémique. Hein. Les propriétaires d'équipe ont ce qu'ils appellent un « gentleman's agreement » depuis les années 1880, comme quoi il n'y aura pas de joueurs noirs. Donc là, il arrive dans une situation évidemment hostile, mais bien sûr, cette situation hostile, c'est celle des Noirs aux États-Unis en général. C'est pas simplement celle des joueurs de baseball. Et donc, il incarne un moment de rupture et on l'a choisi pour des qualités personnelles qui devaient assurer le plus grand succès à cette rupture spectaculaire pour les années 1940. Donc, c'est un symbole très fort. C'est important pour l'histoire du baseball, mais c'est important pour dans toute l'histoire de cette marche des Noirs vers la reconnaissance de leurs droits aux États-Unis. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, il y a deux mots que j'aime bien utiliser, moi, qui viennent d'une série documentaire de Ken Burns, le grand documentariste américain, pour décrire Jackie Robinson. Rage and dignity. Ouais. C'est dans une des séries de Ken Burns. Mais il y a ça. Il y a la colère des Noirs qui est incarnée par Jackie Robinson. Il doit se battre contre une forme d'ostracisme, mais il doit aussi faire ça, c'est ce qu'on lui donne comme mission, c'est ce que Branch Rickey, dont on va reparler, lui donne comme mission, le faire dignement. Exactement. Incarner les Noirs dans les présenter sous leur meilleur jour. Donc, et ça, bien sûr, ça vient ensuite s'arrimer sur toute une série d'autres combats qui vont mener à la fin de la ségrégation institutionnalisée. Ouais. Alors, c'est pas la première manifestation, mais c'en est une très, très forte dans ce qui serait le national pastime aux États-Unis, donc ouais, le sport par excellence dans les années 1940. Ouais. On va parler évidemment de cette carrière, de ce mur de verre qu'il va faire éclater au cours de cette émission, mais avant de poursuivre dans la carrière au baseball qu'aura Jackie Robinson, un petit mot sur Jackie Robinson avant le baseball. Qui est-il, en quelques mots? Alors, il naît en 1919 en Géorgie. Son père abandonne la famille tout de suite. Il est le cinquième de cinq enfants. Et la famille déménage, alors il n'a même pas un an, à Pasadena, en Californie. C'est là où il va grandir. Il grandit. Alors, il a des tentations délinquantes, mais on va le ramener assez vite dans le droit chemin. Et c'est surtout un athlète absolument phénoménal. Ouais. Alors, il est excellent au baseball. Mais en fait, le baseball, c'est pas son meilleur sport. Il est excellent au football, au basket, en athlétisme, au tennis. Et donc, il va briller dès l'école secondaire. Son frère est aussi un athlète avec un prestige considérable. seul. Il a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Berlin derrière Jesse Owens. Ah ouais. Mais ce qui va frapper très fort Jackie Robinson, c'est que son frère, quand il revient de Berlin, ne tire aucun bénéfice d'avoir gagné une médaille d'argent. Il devient éboueur à Pasadena. Et la légende dit qu'il ramassait les poubelles avec son blouson de l'équipe olympique incroyable. Américaine. Ouais. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, à la fois de l'ordre du triomphe, mais de la non-reconnaissance du triomphe. Alors ça va marquer Jackie Robinson très, très fort parce qu'il va être à l'école secondaire une vedette dans toutes sortes de sports. Il va aller à l'université. Il ne va pas terminer son parcours universitaire à UCLA, mais à UCLA, c'est pareil. Il est le sportif par excellence de l'université dans 4 ou 5 disciplines. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'on veuille le recruter par la suite. Alors, il sort de l'université, il fait plusieurs petits boulots, il entre dans l'armée. Ouais. Alors ça, c'est très important parce que la logique derrière ça, ce qu'on va finir par comprendre, c'est si vous acceptez les Noirs dans l'armée, il n'y a aucune raison de ne pas les accepter dans les autres sphères de la vie publique et notamment dans le domaine du sport. Ouais. Et il va se buter à l'autorité quand il est dans l'armée, très, très fort. Alors, dans une anecdote qui rappelle un peu ce qui va arriver à Rosa Parks plus tard, il monte dans un bus de l'armée, on lui demande de s'asseoir derrière, mais il dit non, le règlement dit que j'ai le droit de m'asseoir devant. Il n'y a aucun règlement sur la ségrégation dans les bus dans l'armée. Ouais. Alors ça va l'entraîner évidemment dans des difficultés nombreuses. Il va se retrouver en cour martiale, il va finir par être innocenté. Ouais. Il n'a rien fait, on n'a rien à lui reprocher. La conséquence que ça va avoir cependant, c'est qu'il ne va pas se battre à l'étranger. Il va être devant la cour martiale au lieu d'aller se battre en Europe. Ouais. Mais là, il y a déjà une prise de position très, très forte d'un homme qui dit, il y a une règle, la règle, elle est claire, je respecte la règle. Pourquoi est-ce qu'on m'interdirait à moi de respecter cette règle-là? C'est important parce que ça nous montre un petit peu la personnalité du bonhomme. Ah, tout à fait. Probablement que celui qui le repêchera, puis on y reviendra dans un instant, mais ça va faire partie du choix, en fait. Sans pourquoi aucun doute. Le choisir lui plutôt qu'un autre noir? Parce qu'il y en a plein de noirs qui jouent au baseball. Ils sont très, très forts et plus forts que lui. Voilà. Parlons-en de ces noirs qui jouent au baseball. Ça nous amène à parler du début de sa carrière à lui, Jackie Robinson au baseball. Ça se passe où? Ça se passe quand? Alors, il existe aux États-Unis une chose qui est très difficile à décrire parce que c'est des équipes qui changent, c'est des ligues qui changent. C'est ce qu'on met généralement sous l'étiquette Negro Leagues. Donc, c'est des ligues réservées aux Noirs puisqu'il y a ce Gentleman's Agreement depuis les années 1880. À partir des années 1920, ça se structure. Et jusqu'aux années 1960, donc même après le passage de Jackie Robinson, il va rester des équipes de Noirs. Et c'est là où il est recruté pour aller jouer avec les Monarchs de Kansas City. Il va jouer une seule année en 1945, mais il va côtoyer à ce moment-là des joueurs qui sont déjà de très grands joueurs de baseball. Ouais. Et c'est là où il va être repéré par les Dodgers de Brooklyn qui vont le voir jouer ouais. et qui vont se dire, ah ben tiens, lui... Il y a quelque chose à faire avec lui. Oui. Mais c'est audacieux quand même. Quand Branch Rickey, le directeur général et éco-propriétaire des Dodgers, lui offre un contrat, il n'y en a pas encore de noir au baseball majeur aux États-Unis. C'est audacieux. Pourquoi il décide de lui offrir un contrat? Alors, il y a deux raisons principales et elles sont d'égale importance. Branch Rickey est un homme très, très religieux et il considère que là, il y a une injustice envers les Noirs. Et d'autre part, il dit, il y a un bassin de joueurs là, très, très forts, qui peuvent me permettre à moi d'améliorer mon équipe, alors que les autres équipes ne veulent pas y aller. Ouais. Donc, il y a un avantage, il le voit très rapidement. Donc, il se dit, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des recruteurs voir les joueurs des Negro Leagues. C'est là qu'il va repérer Jackie Robinson. Mais il y a un intérêt à la fois sportif et économique dans ce cas-là. Hein. Donc, les trois choses se mêlent, si vous voulez, sa passion religieuse et d'autre part, son sens des affaires. Si je veux gagner, voilà des joueurs excellents. Ouais. Allons les chercher. Ces joueurs-là. Exactement. Voilà. Pourquoi s'en priver? Ouais. On a parlé de la personnalité de Jackie Robinson. Ça va faire partie du choix de Branch Rickey. C'est lui qui le choisit. Pourquoi il l'a choisi, lui? Écoutez bien cet extrait du film 42, réalisé par Brian Helgeland en 2013. Vous allez voir, c'est très révélateur. Puis on reparle de ce choix tout de suite après. Je te paierai 600 $ par mois. Avec un boni de 3500 $ à la signature du contrat. Est-ce que c'est acceptable? Oui, c'est parfait. À une seule condition. Je sais que tu peux frapper derrière le coureur et lire les lancers qu'on t'envoie. Ce que je veux savoir, Sissi, tu sais contrôler ton humeur. Mon humeur? Oui, ton humeur. T'es pas sourd, il me semble. Un homme noir parmi les blancs au baseball. Tu t'imagines les réactions? Les Dodgers s'enregistrent dans un hôtel. Un hôtel convenable et sérieux. Et t'es épuisé d'avoir trop voyagé. T'as pas de stylo parce que l'employé ne veut pas que tu remplisses une fiche. Pas de chambre ici pour les foncer. Pas même avec le charbon où tu devrais être. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Te battre avec lui? Pour gâcher tous mes plans? Vous voulez vraiment un joueur qui n'a pas le courage de répliquer? Non, ce que je veux vraiment, c'est avoir un joueur qui a le courage de ne pas répliquer. Ton ennemi va se présenter en force, et si tu t'abaisses à son niveau, tout est perdu d'avance. C'est assez extraordinaire, cet extrait du film 42. Ça nous en dit beaucoup sur le contexte de l'époque, sur le choix aussi. Pourquoi il fait Branch Rickey? Pourquoi il choisit précisément Jackie Robinson? Alors, plusieurs raisons. D'abord, c'est un assez bon joueur de baseball. C'est pas un grand joueur de baseball. Son sport de prédilection, c'était le football. Mais c'est un bon joueur de baseball. Les recruteurs l'ont vu. Ça, ça marche. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui est allé à l'université, qui n'a pas terminé ses 4 années universitaires, mais qui peut prendre la parole. C'est quelqu'un qui défend ses valeurs. On l'a vu dans l'épisode de ce bus militaire quand il est soldat. C'est quelqu'un dont il sait qu'il va pouvoir se contrôler parce qu'il est bien entouré. Oui. Alors, Branch Rickey accorde beaucoup d'importance au fait que Jackie Robinson est marié à Rachel Isom et que Rachel et lui sont vraiment très, très proches et forment une cellule très, très forte. Donc, c'est pas quelqu'un qui va arriver sans être accompagné. Au contraire, quelqu'un va l'aider. Ouais. Ça, on va le voir à Montréal, mais on va le voir tout au long de sa carrière. Alors, c'est aussi quelqu'un, autre aspect intéressant qu'on souligne assez peu généralement, c'est aussi quelqu'un qui a déjà l'expérience d'avoir fréquenté des Blancs dans des équipes sportives. Mm-hmm. Les joueurs avec lesquels il va jouer à Montréal et ensuite dans la Ligue nationale, tous ces Blancs-là n'ont jamais joué avec les Noirs. Non, parce qu'il y a cette ségrégation. Lui, il a fait du sport, ce qu'on appelait le sport intégré, quand il était à l'école secondaire, quand il était à l'université. Donc, pour lui, il y a moins cette frontière-là, elle est plus facile à traverser probablement que pour ses coéquipiers. Donc, il y a toute une série de raisons. Et on voit bien que les motivations de Branch Rickey sont articulées les unes sur les autres. C'est un stratège, Rickey. Ah, tout à fait. Il a tout à fait bien pensé son plan. C'est un projet pilote, au fond, Jackie Robinson, pour lui. Il dit, ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ça. Exact. Hein? Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, tu ne vas pas. Exact. Te répondre aux attaques et aux coups. Parce que si tu réponds, l'expérience, ça s'appelle comme ça hein, d'ailleurs, The Noble Experiment, c'est comme ça qu'on l'a présenté aux États-Unis, ça va tomber à l'eau. Pourquoi ce détour? Il est bon, donc il signe ce contrat avec les Dodgers de Brooklyn, mais la première année, il la passe à Montréal, chez les Royaux. Pourquoi? Alors, c'est le parcours habituel de tout joueur de baseball. Là. Il faut passer par les mineurs pour apprendre son métier. Et dans ce cas-là, c'est encore plus fort parce qu'il a une seule année d'expérience. Il a joué une année pour les Monarchs en 1945. Donc, il faut le former comme joueur. On ne sait même pas à quelle position il va jouer, d'ailleurs, quand il arrive à Montréal. Puis, il va changer de position assez souvent tout au long de sa carrière. Il faut aussi trouver un milieu qui va pouvoir l'accueillir. Alors, ça, là-dessus, Rickey a bien compris que le milieu montréalais allait être ouvert aux Robinson, et les Robinson ne cessent de le dire, et encore aujourd'hui, Rachel Robinson, qui a 96 ans, dès qu'elle a une occasion de dire du bien de Montréal, elle le fait. Donc, ça, c'est important, parce qu'il sait aussi que dès qu'il va quitter Montréal, qui est un havre de paix relatif, relatif pour lui, dès qu'il va aller jouer en Floride, là, ça va mal se passer. Ouais. Et donc, il y a ce double jeu. C'est-à-dire, Montréal, c'est très, très bien, puis effectivement, ça se passe bien. Mais son expérience de la Ligue internationale en 1946, ce n'est pas toujours une expérience positive. Ouais. Parce que quand les Royaux vont jouer ailleurs, ça se passe. Et notamment pendant le camp d'entraînement, où là, ça a été l'enfer pour lui. Ouais. Sur cet accueil quand même que vont lui réserver les Montréalais, à nouveau, un extrait de l'émission Bonjour l'ambiance. Vous allez y entendre Edgar Méthotte et Jacques Étier raconter quelques-uns de leurs souvenirs. Ils sont venus demeurer à côté de chez nous. Ils ont sous-loué une maison de notre voisine qui était là. Et puis, tout bonnement, on s'est présenté comme ça, comme voisin. Puis, on a vu que c'était un gentleman. C'est devenu comme un ami tout de suite, comme ça. On parlait comme des amis. C'était dans le temps des coupons de rationnement. Puis, les autres, comme de raison, il n'y a pas de coupons de rationnement dans ce temps-là, puis comme du beurre ou de la viande, ces choses-là. Nous autres, on les en a posé, on en avait, fait qu'on les en a posé. J'étais bien content de ça. Toi, jamais t'as repassé des affaires? Je me rappelle quand Eddie m'a dit, il m'appelle un soir, il dit, Jimmy, il dit, maintenant Robinson s'en vient rester à côté de chez nous. Je dis, hey, toi, Eddie, t'es pas sérieux, là. Ça fait que ce soir-là, après 4-5 games, là, on attendait sur le perron de M. Méthotte, puis Jackie Robinson est arrivé, puis là, il demande à M. Méthotte, fait qu'il a dit, Jimmy, c'est un amateur baseball, puis il m'a donné la main, puis là. Fait que là, après qu'il était parti, j'ai dit à tout, je pense que je m'attends une couple de jours sans prendre ma douche, j'ai pas envie de me lever la main, j'ai donné la main à Jackie Robinson. Un extrait qui nous montre bien que effectivement il est bien accueilli à Montréal et il est très apprécié parce que il va connaître une bonne saison avec les Royaux. Il est le plus utile de la ligue en 1946. Donc c'est une bonne saison. En plus l'équipe gagne ce qu'on appelle les petites ligues mondiales. Donc oui, alors c'est la réussite immédiate pour quelqu'un dont on savait pas auparavant si ça allait marcher. Hein. Il arrive, c'est un peu le cheveu sur la soupe. Là. Personne ne sait que ça va se faire. Subitement, ça se fait et ça marche immédiatement à Montréal. Et Montréal aime beaucoup d'ailleurs se féliciter de l'accueil que la ville a réservé à Robinson. Actuellement, à Montréal, il y a deux murales Jackie Robinson, il y a au moins deux plaques, il y a une statue. Donc, nous nous auto-congratulons aussi un brin, mais c'est vrai qu'il a été bien reçu et que ça a marché sur le plan sportif. Mais vous le disiez, quand même chez les Royaux, donc ça va très très bien à Montréal, mais quand le camp d'entraînement, c'est l'enfer. La petite série mondiale qu'ils vont remporter, les c'est Royaux... Aussi c'est aussi très difficile. Ils jouent contre le Kentucky. Ils perdent à peu près tous leurs matchs au Kentucky. Oui, c'est ça. C'est pas un hasard. Non, non, alors, les autres équipes savent d'abord que c'est un bon joueur, donc c'est assez habituel de s'en prendre au meilleur joueur de l'autre équipe, d'une part, et d'autre part, les gens l'attaquent personnellement, puisqu'évidemment, c'est un des seuls noirs de l'équipe, il n'est pas le seul d'ailleurs à la fin de la saison, il y en a d'autres qui sont joints à lui, et donc là, il y a ces deux facteurs-là qui expliquent que l'équipe soit un peu étouffée pendant le début de cette série mondiale, mais de retour à Montréal, là, les choses se passent beaucoup mieux, parce que là, il n'est pas du tout dans le même contexte. On voit bien l'importance du contexte sportif et ethnique ou racial, disons ça comme ça, pour comprendre ce qui arrive à la carrière de Jackie Robinson. Donc, la première phase de l'expérience, cette étape montréalaise est réussie, ce qui fait que le 15 avril 1947, l'année suivante, Jackie Robinson fait éclater ce fameux mur de verre qui empêche les joueurs de couleur de faire partie du baseball majeur. Début, son premier match, le 15 avril 1947, avec les Dodgers de Brooklyn. Cela dit, c'est pas gagné. Ce qui l'attend, cette année-là en particulier, ça va être très, très difficile. Oui, alors, il se fait insulter toute l'année par les autres équipes. Il se fait maltraiter physiquement. Et là, ça nous ramène à ce que Brent Shirky lui avait demandé. Brent Shirky lui avait dit, ça va arriver. Tu vas te faire insulter, tu vas te faire insulter par les joueurs, tu vas te faire insulter par les spectateurs. Les joueurs vont essayer de s'en prendre à toi. Et effectivement, ils jouent au premier but. Donc, c'est très facile en passant de donner un coup de crampon quand on est un adversaire de Jackie Robinson. Il est tout seul. Donc ça, c'est aussi difficile parce que même si ses coéquipiers finissent par se rallier autour de lui, à l'origine, ils sont pas tous là pour prendre sa défense. Bien au contraire, il y a des joueurs qui prétendent faire la grève en disant « Non, non, je veux pas jouer avec un noir. » Donc c'est effectivement très, très difficile. Et c'est là où on voit d'ailleurs le poids que ça a pu avoir sur la suite de la vie de Jackie Robinson parce que cette première année-là, il a tenu l'entente qu'il avait signée, sur laquelle il s'est entendu avec Brent Shirky. Il n'a pas répondu aux attaques, que ce soit des attaques verbales ou des attaques physiques. Il s'est repris par la suite. Hein. À partir de sa deuxième saison, là, il s'est dit « Bon, c'est fait, là, j'ai été nommé en plus recrue de l'année, ce qui est vrai en 1947. » Mais ça a été des années très, très éprouvantes. Et on ne peut pas ne pas penser au fait que Jackie Robinson va mourir jeune. Ouais. Et on se dit « Il y a probablement là quelque chose de l'usure qui lui a été imposée dès ses premières années. » Alors, en plus, il faut savoir, c'est une chose qu'on n'a pas dite, mais c'est pas un jeune homme. Quand il arrive à Montréal, il a 28 ans, ce qui est vieux pour une recrue. Ouais. Donc, c'est pour ça que sa carrière ne sera pas très, très longue, parce qu'il ne commence pas à 22 ans comme tout le monde. C'est pour ça qu'il va jouer jusqu'en 56. Donc, difficile sur le terrain, à l'extérieur du terrain, l'histoire d'hôtel qu'on entendait dans l'extrait, ça fait partie de son quotidien. En un mot, il va être à peu près 10 ans avec les Dodgers de Brooklyn. Quelques mots quand même sur à quoi ça ressemble son jeu, quel genre de joueur il est. Alors, rapide et énervant, manifestement. Les joueurs des autres équipes n'aiment pas ça, surtout les lanceurs jouer contre lui, parce que lui, un simple, c'est jamais assez. Donc, s'il peut voler le deuxième but, il va le faire. S'il peut voler le troisième but... Et il y a une statistique que j'aime beaucoup, mais il a volé beaucoup de buts, donc dans sa carrière, il en a volé 197. Il a volé 19 fois le marbre, ce qui est la chose la plus difficile à faire au baseball, ce qui demande des nerfs d'acier, ce qui demande un timing parfait. Et donc, les joueurs... L'affront suprême. Ah oui, c'est ça. Ben oui, pour l'équipe adverse. Exactement. Et donc, que les autres joueurs soient tendu vers lui. C'est ça qui arrive. Hein? Ouais. Tout le monde se dit, dès qu'il est sur le terrain, lui, quelque chose peut arriver. Alors, il va être capable de frapper en puissance aussi. Il va jouer très bien en défensive et à plusieurs positions. Ouais. Mais moi, l'image que je retiens, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours en train de provoquer l'adversaire par sa rapidité. Ouais. On termine cette émission en parlant de son combat. On y revient, on boucle la boucle. On le connaît, Jackie Robinson, pas tant pour ses exploits sportifs, même s'il y en a eu, que pour le fait que ça a été le premier noir à jouer dans le baseball majeur. Quel impact il va avoir eu sur cette question de la marche des Noirs dans le baseball majeur, mais cette marche des Noirs à l'époque des années 60, tout ce mouvement pour les droits civiques, quel poids il aura dans tout ça. Écoutez cet extrait d'une entrevue qu'il accorde au réseau anglais de Radio-Canada en 1966. Il vient d'être embauché à ce moment-là, directeur général d'une équipe de football dans la Ligue continentale. C'est une ligue qui va exister quelques années seulement. I guess it's basic that football wanted me and baseball didn't. On voulait de moi au football, mais pas au baseball. Quand j'ai quitté le baseball, on ne voulait pas d'un noir qui se tenait debout et qui prenait ses responsabilités. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, je crois que c'est possible au football, surtout dans la Ligue continentale, où les dirigeants ne m'ont pas regardé simplement comme un noir, mais bien comme un atout pour leur équipe, et ils n'ont pas eu peur de m'embaucher. Thought I had something that would help their ball club and they came out and hired me. This is what I liked about them. This is one of the reasons why I accepted. J'ai aimé leur audace et c'est pourquoi j'ai accepté leur invitation. Moi qui est incapable de fermer les yeux devant les injustices. Mais les propriétaires du baseball n'aiment pas quand je parle contre la discrimination, contre les préjugés et contre certaines de leurs mauvaises décisions. Aujourd'hui, dans le monde du baseball, il n'y a toujours pas de place pour un noir qui se tient debout. There is no place, as I said before, at least not today, in professional baseball for a Negro who's willing to stand up and be counted. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a donc été joueur pendant 10 ans, oui, au moment où il donne cette entrevue. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre de cet extrait-là? Puis plus largement, on termine là-dessus, mais quel poids il va avoir dans cette marche des Noirs vers l'égalité, la reconnaissance de leurs droits? Dans ce qu'on vient d'entendre, moi, j'entends deux choses. J'entends l'amertume, évidemment, oui, de quelqu'un qui se considère avoir été maltraité par sa ligue. On pourrait faire exactement un parallèle avec Maurice Richard à Montréal quand il prend sa retraite. Il y a la même chose. Hein? Et j'entends aussi quelqu'un qui garde les mêmes positions que celles qu'il défendait dans les années 40 quand il était dans l'armée. C'est quelqu'un qui tient son bout, hein, qui dit, ben voilà, moi, j'ai le droit de faire ce que je veux faire. Donc ça, on l'entend très fort. Qu'est-ce que ça représente dans la marche des Noirs? Moi, je dirais que ça représente un modèle différent de ceux qu'on a toujours à l'esprit. On pense Martin Luther King ou on pense Malcolm X. Quand il prend sa retraite, la première chose qu'il fait, c'est qu'il devient vice-président d'une compagnie de café. Donc, c'est un homme d'affaires. Ouais. C'est quelqu'un qui, sur le plan politique, a eu toutes sortes d'affiliations indépendants, républicains, démocrates, mais qui était surtout conservateur politiquement. Ouais. Donc, c'est pas le modèle de gauche auquel on est habitué. Et il existe une assez longue correspondance qui a été publiée dans des journaux entre lui et Malcolm X. Et là, on voit deux modèles complètement différents. Mm-hmm. Il y a un modèle qui est celui modèle de la rupture violente, celui de Malcolm X, et le modèle de Robinson qui consiste à dire, ben non, moi, j'ai des droits et je vais les faire respecter ces droits-là dans des endroits qui sont des endroits où généralement on ne voit pas les Noirs, hein, ouais, dans des postes d'administration dans une ligue de football ou dans les affaires. Donc voilà quelqu'un qui offre un modèle différent d'intégration par rapport à ceux qu'on a toujours sous les yeux, auxquels on pense, ouais, toujours, desquels il peut être proche à l'occasion, c'est vrai de Martin Luther King, mais desquels il par rapport auquel il peut prendre ses distances aussi. Mais il fait partie de ces quelques icônes, en fait. On le voit manifester, prendre la première place dans des défilés de revendications. C'est quelqu'un qui demande ses droits. Benoît Melançon, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Benoît Melançon, professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.